La direction d'édition des timbres d'État a fait paraître deux sortes de vignettes et un timbre individuel pour féliciter la réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Le timbre où figure la photo du dirigeant suprême Kim Jong-un montre le drapeau flottant du Parti du Travail de Corée et la fusée au moment de lancement. Les timbres portent les inscriptions « Grande manifestation des forces nucléaires stratégiques du Parti du Travail de Corée » et « Nouvelle réussite au deuxième lancement d'essai du type façon 14 de la fusée balistique intercontinentale ».